Voilà, alors c'est le cours d'écoute anthropologique. Nous sommes le 24 octobre 2015. Voilà, alors... ce que j'ai à vous dire... Dans le fond, se limite à peu de choses. C'est une technique, au fond, que j'ai mise en pratique. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est sûr, c'est Lévi-Strauss. Et je n'ai fait que l'intégrer à mon travail clinique parce que elle avait un caractère systématique très intéressant que la psychanalyse ne fournissait pas. Hein. C'est comme si je trouvais que cette technique manquait à la psychanalyse et que donc elle serait particulièrement bienvenue pour la pratique analytique. Donc au fond c'est une technique que je vous expliquerai qui peut se résumer à peu de choses. Pourtant, pour l'enseigner, pour la transmettre, il faut vraiment la transmettre avec tout l'appareil conceptuel, tout l'historique qu'elle entraîne avec elle, si vous voulez. Donc, et c'est ça que je vais essayer de vous transmettre pendant ces heures de cours, parce que c'est difficile d'enseigner une technique comme ça à l'état pur. Il faut vraiment aller chercher le fond qui est derrière cette technique-là. C'est une technique que je pratique depuis... longtemps, disons que j'en ai élaboré les principes déjà à la fin des années 70, sans savoir que c'était quelque chose d'original et de différent. Puis, au fil des années, je me suis aperçu que c'était effectivement différent de ce que d'autres pratiquaient. Donc c'est comme ça que d'une simple technique que je pratiquais comme ça, c'est devenu une théorie, lentement. Et j'arrive un petit peu vers la fin de ma carrière, et il serait peut-être temps que je transmette ce que j'ai élaboré à d'autres, et c'est pour ça que je donne ce cours depuis 3 ans déjà. Donc c'est la 3e année que je le donne. Ce que je vais vous dire aujourd'hui est semblable à ce que j'ai dit les 2 années précédentes, mais il y a du nouveau. Il y a du nouveau parce que je continue de travailler et d'élaborer ce qui apparaît comme une théorie. Et donc, j'ai découvert un certain nombre de choses dans mon cheminement cette dernière année que je vais essayer également de vous traduire. Donc, J'ai travaillé les derniers 10 ans avec un collègue, pas tout à fait un collègue puisqu'il est historien, et c'est le fruit de notre travail en commun qui m'a aidé à élaborer tout ça. Et mon collègue Christian, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en voyage, va prendre en charge la moitié du cours. Hein, moi je vais avoir 4 samedis, lui il aura 4 samedis. Il va vous donner la dimension historique. Et moi, ça sera plus la dimension psychanalytique et anthropologique là, que je vais élaborer devant vous. Ce travail que j'ai fait avec Christian, on l'a fait dans le cadre d'un séminaire où on discutait, évidemment, mais aussi où on visionnait des films. On visionnait des films pendant plusieurs années et on discutait autour de ces films en essayant d'analyser les films en question à travers la même méthode que je vais vous exposer. Donc c'est une méthode qui est utile, qui est efficace, qui révèle des choses sur du matériel de ce type-là, du matériel cinématographique, du matériel. La séance d'analyse, ou la séance de psychothérapie tout aussi bien, quand on prend le verbatim, là, cette méthode permet de dégager des choses d'une façon systématique, c'est-à-dire d'une façon où la personnalité de celui qui analyse n'est pas directement impliquée dans l'analyse. C'est une analyse qui peut se faire tout à fait automatiquement, sans. Sans ressenti, quoi. C'est ça. Bon, c'est sûr que. Il y a l'intuition qui me permet de brûler des étapes là, dans l'analyse, mais l'analyse elle-même pourrait être faite de façon automatique. Et d'ailleurs, On aurait comme assez d'une séance pour juste utiliser la séance pour faire l'analyse, ou on aurait vraiment oui. besoin de beaucoup de séances? Non, non, non. Ok, chacune pourrait être. Chaque séance a sa propre analyse. D'une séance à l'autre, l'analyse est différente pour le même patient. Donc, c'est ça l'intérêt de la chose et c'est ça qui rend les patients extrêmement intéressés parce qu'ils apprennent quelque chose sur eux-mêmes à chaque fois qu'ils viennent. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Mais bon, vous verrez ce qu'il en est. Je vais vous en parler aujourd'hui un petit peu. Dans l'après-midi, je vais vous donner le maximum de détails sur la technique en question. Ce matin, je vais peut-être faire une introduction générale de ce que je vais vous dire. Donc on peut aussi travailler sur des romans, on peut travailler sur n'importe quel matériel humain. Moi je me suis aventuré du côté des théories philosophiques ou du côté des théories scientifiques même qui sont susceptibles d'être analysées par ce biais-là. Enfin vous verrez, je suis en train de vendre ma salade, mais... Mais vous verrez. Peut-être j'aimerais vous faire entendre une interview que j'ai écoutée sur France Inter. De gens qui sont des sortes de désabusés de la psychanalyse et qui formulent des critiques. Je vais vous la faire écouter, puis après on en parlera. Décrié, concurrencé par les psychothérapies, la psychanalyse freudienne fait l'objet de critiques toujours plus nombreuses quant à sa capacité d'aider les patients à guérir. Considérée comme désuète dans de nombreux pays, la remise en cause de la psychanalyse s'accompagne aujourd'hui d'un essor des thérapies comportementales. Qui sont les déconvertis de la psychanalyse? Quelles sont les principales critiques à son encontre et quelles sont les nouvelles pratiques? On en parle dans un instant avec mes invités, vos questions sur... Alors voilà, je vais directement... Alors il interview un psychanalyste qui s'est reconverti à la psychologie et qui donne les raisons pour lesquelles il l'a fait. Et il interview aussi Sophie Robert, qui est celle qui a fait le fameux film sur l'autisme où il conteste la psychanalyse... sur ses capacités à traiter l'autisme. Je vais juste vous donner une petite idée des critiques qui ont été formulées par ce gars-là, qui sont des critiques assez communes. Mais c'est des critiques suite auxquelles, lui, il laisse tomber la psychanalyse, ce qui n'est pas mon cas. À partir des mêmes critiques, j'élabore quelque chose, hein, qui... Voilà. Thank you. commence avec Hands Up. Que faut-il garder de la psychanalyse freudienne? Question posée dans la tête au carré à mes invités Didier Pleu et Sophie Robert. Didier Pleu, vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute, vous dirigez l'Institut français de thérapie cognitive et vous êtes l'auteur du livre La révolution du divan pour une psychologie existentielle qui paraît chez Odile Jacob. Sophie Robert, vous êtes réalisatrice de documentaire, vous êtes l'auteur d'un film d'entretien sur les déconvertis de la psychanalyse qui est à voir en accès libre sur Dailymotion, et les auditeurs nous rejoignent déjà avec de nombreuses questions, des témoignages, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Que faut-il garder de la psychanalyse, Didier Pleu? Ça va aller vite si j'en juge votre première réponse tout à l'heure. Non, la seule chose qu'il faut garder, c'est le respect inconditionnel du patient, le respect de la parole du patient. Et ça, bien sûr, parce qu'il y a la talking cure était bon. Par contre, tout le reste, non. Le déterminisme, toujours la petite enfance, les parents forcément toxiques, la mère fusionnelle, le père castrateur, bien sûr, le grand délire, cinéma un petit peu au niveau de la tragédie oedipienne. Non, l'inconscient, la force de l'inconscient, non, c'est la force du conscient qu'il faudrait bien en psychothérapie. Il y a des processus inconscients, on est tous d'accord. Oui, quand même. Bien sûr, les processus inconscients, c'est pas un ennemi, c'est pas comme vous entendez il y a 8 jours, la force obscure ou les forces du mal, une espèce de deuxième personne en nous, schizophrénique. Vous faites référence à Elisabeth Roudinesco, hein, qui était notre invitée ce même micro mercredi dernier, donc comme quoi tout le monde a la parole ici. C'est parfait, oui, effectivement, mais j'ai entendu des choses, effectivement. Pour moi, la psychanalyse, au mieux, c'est de la littérature. Je crois que Freud aurait pu avoir un prix Nobel de littérature, et au pire, c'est du cinéma, puisqu'on a entendu mercredi dernier sur vos antennes, effectivement, que c'était Dark Vador ou Titanic. Non, je crois qu'il faut maintenant être sérieux. On parle de patient. Je ne parle pas de l'aventure particulière de quelqu'un qui va être sur le divan pour faire une introspection et qui, dans le silence du thérapeute, va peut-être trouver des choses bon, sur ça, lui-même. Vous êtes d'accord là-dessus, ça. C'est une aventure de job. C'est une aventure particulière. Moi, je parle des patients. Je suis depuis 35 ans psychothérapeute et ce que je vois, c'est que les 4/5 des patients qui viennent d'une analyse ne vont pas mieux. Vous dites que le problème, c'est la guérison, au fond, avec la psychanalyse. Ben, c'est qu'on ne guérit pas avec une analyse. Ben non. Non. Comme disait Lacan, la guérison de surcroît, ben nous, c'était très important, parce que quand on voit que dans les CMP, les guidances, quand on voit que dans les hôpitaux, par exemple, j'ai des patientes anorexiques, on travaille toujours sur la fusion à la maman, sur le refus de la sexualité, on travaille toujours sur les grands secrets de famille. Pareil pour l'autisme, Sophie nous en parlera, on travaille toujours sur la mer froide. Pour les addictions, on travaille toujours sur les carences maternelles, c'est-à-dire qu'on a besoin de se remplir dans les addictions. Enfin, toujours les mêmes théories depuis 120 ans, mais qui sont absolument inefficaces. On parle de pathologies lourdes. Et en éducation, je suis souvent travaillé là-dessus, c'est scandaleux de tout le temps dire que les parents sont toxiques, qu'il ne faut pas d'éducation, qu'il faut que ce soit l'autonomie avant tout de l'enfant. Et ça donne la maison des ados avec, ils reviennent de cette maison en voyant, en disant, mais monsieur Pleu, on m'a dit que c'était normal, parce que c'était une crise d'ado. Donc c'est normal de crier sur ses parents, de s'offusquer, d'être en conflit, d'être mal étonné du cannabis. Il faut arrêter avec tous ces dogmes qui font du mal. Mais dans notre pays, c'est hégémonique parce que c'est... Pourquoi d'ailleurs? Oui, est-ce que c'est singulier à la France, ça, ou pas? Parce qu'on voit que dans un certain nombre de pays, quand même, la psychanalyse tend à... disparaître petit à petit. C'est singulier à la France et aussi en Argentine et un peu au Brésil, parce que je crois que c'est très intellectuel, c'est intelligent. Moi, quand j'ai vu les éducateurs spécialisés devenir pro-freudiens, on devenait intelligent tout d'un coup, c'est-à-dire on maniait le symbole. Donc c'est lié, vous savez, c'est un peu comme le syndrome de Blanchot, le littéraire. Plus c'est compliqué, mieux c'est dans notre culture. Et puis il faut dire aussi une chose qui est, c'est que dans tous les médias, à chaque fois que je suis interviewé, je demande aux personnes, est-ce que vous avez fait une analyse? Et 9/10 me disent oui. Donc c'est un problème pour vous? Ben, c'est un problème, c'est comme si j'ai pas un évêque voulait me parler de la foi ou de la chrétienté. Ouais. S'il est évêque, il appartient lui-même à une religion. Enfin, il vous laisse la parole, donc c'est pas si mal. Oh, très peu. Mon François Dolto n'a pas eu beaucoup de parole. Sophie Robert. Alors, justement, sur la psychanalyse, qu'est-ce que... C'est ça, c'est comme... les critiques naïves, mettons, de la psychanalyse. Pourtant, bon, c'est un bonhomme qui semble être un psychologue depuis plus de 35 ans, donc il devrait être un peu moins naïf, mais il l'est quand même. Et il a cette vision que pourrait avoir... mettons le consommateur ou le grand public de la psychanalyse. Vision qui, bon, pourrait ne pas être justifiée, mais qui pourrait aussi, par certains côtés, être justifiée. une théorie a une vie. Hein. C'est pas une théorie n'est pas fixée dans le temps puis inchangée. Hein. Elle, ce qui est vrai à un certain moment de l'histoire, quand cette théorie dit la phrase A, 20 ans plus tard, cette phrase A n'est plus vraie, ou elle est beaucoup moins vraie. Donc une même théorie, dans le cours du temps, mérite sans cesse d'être renouvelée, d'être modifiée, de s'adapter à son temps. Et, donc au fond, la psychanalyse est arrivée un petit peu à un état de cristallisation, là, elle est comme un peu devenue figée, elle ne s'est plus adaptée à son temps. Et c'est pour ça qu'elle est critiquée, et c'est pour ça que certaines personnes veulent s'en défaire. Ce qui n'est pas mon cas. Je suis conscient que ces critiques ont une grande part de vérité, et j'ai beaucoup travaillé pour rendre ces critiques injustifiées ou essayer d'améliorer les choses de manière à ce que la psychanalyse soit plus à l'ordre du jour. Ce qui a beaucoup favorisé ce travail que j'ai fait pour améliorer la psychanalyse, c'est le fait que j'ai toujours eu une position extérieure. De par mes origines, bon, extérieures à l'Occident, puisque je ne suis pas un occidental d'origine, un peu aussi extérieures à la psychanalyse, parce que je n'ai jamais voulu m'inscrire dans une école de psychanalyse, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. À chaque fois que je tentais de m'introduire dans une école, il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient et je ne réussissais pas à le faire. Si bien que j'ai passé ma carrière, au fond, à plus créer des groupements psychanalytiques plutôt qu'à m'insérer dans des groupements psychanalytiques. Maintenant, il y en a partout dans le monde. Oui, c'est ça. Donc, je ne vais pas m'en faire de ce côté-là. Et bon, il y a une dizaine d'années, je dois avouer que j'ai trouvé une association qui me convient, qui s'appelle l'AIMPER, l'Association internationale d'études médico-psychologiques et religieuses. Cette association est une association de psychanalystes et de gens religieux. Et donc, j'ai trouvé ma place dans cette association, tant et si bien que j'en suis devenu le président. Et je prépare pour juillet prochain un congrès, le congrès de cette association qui aura lieu à Montréal. Donc, bon, je reviens à cette position extérieure que j'ai eue par rapport à la psychanalyse et par rapport à l'Occident, ce qui m'a donné, mettons, une vision anthropologique sur le monde dans lequel je vivais, si vous voulez. C'est comme si j'ai toujours eu un regard anthropologique dans mon environnement, sur mon environnement. Et c'est ça qui a contribué, effectivement, à ce que j'élabore cette écoute anthropologique. Là, je vois une phrase de Lacan sur laquelle je suis tombé, je ne sais plus dans quel séminaire, que chaque concept de la psychanalyse est marqué par le temps et le lieu où il a été produit. Hein, c'est donc intéressant comme phrase. Il faut réfléchir la psychanalyse en rapport avec l'histoire. On peut pas réfléchir la psychanalyse à l'état pur comme ça. Je vais vous lire ce petit passage. Cette phrase m'a servi de point de départ à une réflexion sur les rapports que pouvaient entretenir les concepts de la psychanalyse et le terreau historique et géographique qui les a fait émerger. Parce que même au fond, la géographie modifie la pensée. Hein, quand on vit dans un pays ou un continent donné, on a un esprit qui doit être traduit dans la façon que les gens ont de se penser et donc dans les théories qui permettent de les aider. J'ai voulu travailler sur ce rapport entre psychanalyse et histoire et j'ai rencontré mon collègue Christian Roy. Et il a bien voulu collaborer avec moi pendant maintenant 10 ans pour faire ce travail de critique de la psychanalyse et de l'histoire. Alors, nous nous sommes aperçus très rapidement que l'œuvre de Freud était issue d'une époque de l'histoire de l'Europe absolument cruciale, celle où les anciens empires centraux ont été évincés de la surface de l'histoire pour être remplacés par des régimes républicains. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de l'histoire de l'Europe au début du XXe siècle. Il y avait 5 empires en Europe. Il y avait l'empire britannique qui s'étendait sur toute la surface du globe. Il y avait l'empire allemand, il y avait l'empire austro-hongrois, il y avait l'empire tsariste, l'empire russe, et il y avait aussi l'empire ottoman. C'était 5 empires. Et ensuite il y a eu la guerre 14-18, et à la fin de la guerre 14-18, de ces 5 empires, il n'en restait plus qu'un seul, c'était l'Empire britannique. Tous les 4 autres se sont écroulés pour des raisons apparemment diverses, mais probablement communes, comme nous allons le voir. Nous avons donc travaillé sur la façon dont cette période historique particulière avait réussi à produire Freud. Freud est le résultat de la chute ou de la fin d'une époque et le début d'une autre. Freud est dans la charnière entre la chute des empires et le début des républiques ou le début de la période, mettons, nationaliste, hein, de l'histoire. Et comment Freud avait mis en valeur l'esprit de cette époque ainsi que le déclin de l'esprit de cette époque. Hein, on associe Freud à la Vienne impériale, hein, et comment Freud a recueilli la chute de cette Vienne impériale. Et la garder en mémoire, si je puis dire. La psychanalyse est une trace mémoire, je dirais, de la chute de la Vienne impériale. Ensuite, nous avons travaillé historiquement sur Lacan et sur la période historique qui a fait naître Lacan. Lacan est né en tant que penseur dans les années 30, en même temps que le nazisme, la mécanique quantique et la crise économique. Lacan est né en tant que penseur en même temps que la disparition prochaine des Juifs et des Roms de la surface de l'Europe. Nous verrons durant le cours dans quelle mesure Lacan est le produit de cette époque, qui a vu disparaître du tissu social européen toutes les formes de liens communautaires. Lacan a adapté la psychanalyse à cette nouvelle réalité sociologique et historique. Alors, Lacan a enterré la dimension anthropologique de la psychanalyse. Il a utilisé les concepts anthropologiques dans le cadre de la psychanalyse, mais en même temps, il a pris acte du fait que il n'y a plus de communauté en Europe. Toutes les formes de vie communautaire ont été effacées par la guerre et par les génocides. Et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il ne reste plus aucune trace de l'anthropologie, si vous voulez, en Europe. L'anthropologie est comme effacée, les liens anthropologiques. Puis nous avons aussi travaillé enfin sur l'époque suivante, qui est celle de mai 68, et la disparition... une autre disparition anthropologique, qui est la disparition des liens familiaux traditionnels. Et par la suite, suite à cette disparition des liens familiaux, il y a eu comme la démocratisation de la technique psychanalytique et des soins thérapeutiques. Il y a eu comme une... Après 68, il y a eu comme un grand boom de la psychothérapie. C'est là qu'il y a eu plus de diversification. C'est ça. Écoutez, j'ai commencé ma carrière en 76 au Canada. Commencé avant ailleurs. Mais en 1976, j'étais le 341e psychologue du Québec. Et aujourd'hui, nous sommes au-delà de 12 000, je pense, ouais. Quelque chose comme ça. C'est dire combien... C'est 8 000 quelque chose. C'est 10 000 quelque chose. Mais là, vous incluez les psychothérapeutes. C'est ça. En tout cas, c'est pour avoir un ordre de grandeur là, que il y a ce que j'appelle une démocratisation du psy, mettons, qui fait suite à la disparition d'une forme anthropologique qui est la famille. Donc on a trois grands moments, si vous voulez, de l'histoire, qui est trois grandes disparitions anthropologiques qui ont donné Freud, c'est la Vienne impériale, la vie d'empire, si vous voulez, puis la disparition du milieu communautaire avec Lacan, et enfin la disparition de la vie de famille avec l'expansion des techniques de soins thérapeutiques. Ici, par contre, nous avons constaté combien la psychanalyse a eu de la difficulté à rendre compte de ce dernier changement très substantiel survenu dans l'esprit du temps. donc le dernier changement, celui de 68, la disparition de la famille, on dirait qu'il n'y a eu, il n'y a pas eu de grands psychanalystes qui viennent en tirer la substantifique moelle, hein, cette fois-ci. C'est pour corriger, au fond, cette situation, pour adapter la psychanalyse à la démocratisation de la psychothérapie, que nous avons entrepris ce travail. Bon. Nous avons également traversé la difficulté qu'il y avait à adapter la psychanalyse au monde non occidental. Ça a été bon, un des gros problèmes de ma carrière à moi. Il se trouve que je, de par mes origines, de par mon nom, j'ai beaucoup de ma clientèle qui est d'origine étrangère. Pas étrangère à moi, là, mais... Et donc, j'ai dû... m'adapter à ce type de clientèle avec un appareillage conceptuel qui me venait de l'Occident. Donc, j'ai vécu comme un clivage personnel, si vous voulez, comment comprendre une clientèle avec des concepts qui ne sont pas adaptés à cette clientèle. Et donc, j'ai dû beaucoup, beaucoup travailler. Ça a été très très long, je vous avoue que ça m'a demandé beaucoup de travail. D'abord parce que c'est des concepts auxquels je croyais que, en plus, on m'avait appris que ces concepts étaient universels et que donc ils devaient pouvoir s'appliquer à n'importe qui. Je me suis rendu compte que bon, il y avait du bon, mais il y avait du moins bon et qu'il fallait trier. Et donc, il a fallu vraiment que je fasse un travail de critique de mon appareil conceptuel pour m'adapter à ce type de clientèle-là. Et bon, Dieu merci, j'ai avancé dans cette réflexion beaucoup, même, mais j'ai piétiné longtemps, c'est-à-dire avant de vraiment déboucher sur quelque chose. J'ai beaucoup piétiné, et l'obstacle majeur au fond qu'il a fallu que je dépasse, c'était cette conviction de l'universalité, combien la conviction que notre pensée est universelle et elle devrait couvrir tous les champs de l'humanité. C'est ça, de l'humanité. Ça, c'est vraiment le pire aveuglement là, que j'ai eu beaucoup de mal à dépasser. Mais bon. Donc, nous avons donc, je reprends ma lecture, nous avons donc repéré dans la psychanalyse les caractéristiques qui font d'elle une discipline très occidentalisée. Et nous avons donc réfléchi sur la façon de désoccidentaliser la psychanalyse. Un des aspects les plus importants qui rendait la psychanalyse très occidentale est le fait que depuis Lacan, elle ne considérait plus comme pertinent l'espace intersubjectif. Ça a été... un problème qui a été long à identifier. Par qui a été long à identifier le... Par moi. C'est-à-dire, j'ai eu du mal à identifier que le problème principal se trouvait là. Hein? La psychanalyse, depuis Lacan, s'est centrée sur l'individu et à renoncer à l'espace intersubjectif comme espace de travail. De plus, depuis Lacan, on a également renoncé à la dimension anthropologique que chérissait tant Freud. Même dans la psychanalyse anglophone, la dimension anthropologique est restée très secondaire. Bon, je sens que c'est un concept qui vous surprend un peu, là. Ben, je suis plus de la misère à comprendre. Tu sais, avec la formation que j'ai suivie, on a plus parlé que ça avait évolué vers l'espace intersubjectif, puis qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on travaille. C'est comme si ça m'amène une confusion. Ah oui? Dans la formation que j'ai eue, là, en psychothérapie analytique, avec Carole puis Serge Arpin là, de l'Institut Montréalais, où on avançait vers l'espace intersubjectif. Oui. Pas trop. Ben, écoutez, vous avez eu la chance d'avoir cette formation avec Serge Arpin. Bon, c'est un des seuls à Montréal qui a cette orientation-là. Et c'est pour ça que c'est surprenant, comme probablement pour moi, je pensais que c'était comme... Ah non, c'est okay. Très rare, c'est très très rare. Et on peut dire qu'il est le seul à avoir cette orientation-là, donc vous avez eu de la chance. C'est pour ça que ça m'amène une confusion ce que vous dites, parce que lui, dans le fond, ou eux sont... C'est ça. Entre Serge Arpin et moi, il y a eu comme une rencontre, comme qui dirait, inattendue. C'est-à-dire qu'il a travaillé dans ce sens-là, et moi aussi, et puis on a eu l'occasion d'échanger. Je comprendrai à un moment donné. Mais écoutez, c'est la dimension, c'est simplement qu'il y a des gens qui font la part de l'espace anthropologique et de l'espace intersubjectif, et il y en a d'autres qui l'ont balancé par-dessus bord, tout simplement. Et c'est l'immense majorité, suite à Lacan surtout, qui ont balancé cet espace par-dessus bord. Parce que Lacan, à un moment donné, qui, au début de sa carrière, parlait d'espace intersubjectif, a renoncé à ce concept à un moment donné, pour lui préférer le concept de sujet. Et c'est un sujet pratiquement autiste, qui a beaucoup de mal à rencontrer un autre sujet, en fait. L'appareil. Trop fermé. Ouais, c'est ça. C'est un sujet qui tourne en lui-même, là, à vive allure, certes, mais qui est en lui-même quand même. Est-ce que je pourrais clarifier ou on a le temps. Oui. Parce que ça me rend aussi un peu de confusion. Je ne comprends pas beaucoup pourquoi il n'y a pas d'espace intersubjectif chez Lacan, par exemple. Dans quel sens exactement? Parce que peut-être j'aimerais savoir quand vous parlez d'espace intersubjectif, qu'il n'y a pas chez Lacan, c'est quoi exactement? Oui. Parce que je connais que Lacan aussi donne une importance au désir de l'analyste. Ce n'est pas le sujet qui parle tout seul. Dans quel sens exactement? Écoutez, c'est... Bien sûr, il y a le désir de l'analyste et le désir du patient. Je ne dis pas que Lacan dit que tout le monde est muré dans son individualité. L'espace sur lequel on travaille chez Lacan est un espace subjectif intérieur d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est un espace qui est entièrement centré sur le patient qui est sur le divan, mettons. Hein? Oui, sur l'individu. Il n'y a pas de travail sur un espace qui n'est pas centré sur le sujet. Un espace qui serait commun à deux personnes, par exemple. Dans ce cas, avec l'analyste aussi, ça veut dire ça? C'est comme si c'est plus au niveau relationnel, mais subjectif. Ce serait ça? Écoutez, je... Bon, quand on dit intersubjectif, ça ne veut pas dire entre le sujet et l'analyste. Ça veut pas dire ça? Pas forcément, non. C'est entre deux sujets, dans un couple, dans un groupe de gens, dans un quand un patient vient vous parler de ses problèmes conjugaux, vous n'êtes autorisé que de parler de lui. Hein? Oui. Et vous n'avez pas le droit de d'évoquer. D'évoquer sa partenaire ou son partenaire, okay. Vous comprenez? Oui. Ça, c'est très strict comme règle. Okay. Et je considère que c'est erroné, que c'est pas une, que c'est une avenue qui n'est pas saine. Je pense qu'il y a un espace intersubjectif où les deux partenaires sont impliqués et sur lequel on peut travailler. Oui. Et sur lequel Serge Arpin travaillait facilement. Il fait des traitements de thérapie familiale de ce type-là qui sont très intéressants. Donc, mais écoutez, ça vous a bousculé, gardez-le en mémoire. On va avoir l'occasion de reprendre ça énormément. Est-ce que je peux clarifier quelque chose? Mais oui. Si vous permettez, bien sûr. Depuis le début du cours, on est en train de voir l'historique de la psychanalyse. Jusqu'à présent, et le premier point, c'était l'arrivée de la psychanalyse à travers Freud et la cure type, qui était la cure du divan. Elle est reliée à certaines périodes ou époques historiques. C'était où il y a, soi-disant, l'existence du père, avec les régimes qui étaient impériaux à cette époque-là. Donc, ça trouvait sa place, cette technique, cette formule, cette façon de travailler dans la psychanalyse, elle était bien. Puis, avec le temps, et justement avec Lacan, qui a réformé cette technique qu'on n'applique plus, qui n'était plus conseillée, la technique du divan, c'est plus la psychothérapie brève. Lacan, je crois qu'il a beaucoup investi la psychothérapie des brèves, et il est arrivé qu'on lui faisait des reproches qu'il était capable de faire une psychanalyse en un quart d'heure, c'est-à-dire la séance ne pouvait pas dépasser laps de temps était très court. Et quand vous avez mentionné l'espace interpersonnel, c'était pour faire, pour montrer que, par exemple, dans d'autres espaces hors l'occidental, cet espace interpersonnel existait toujours. Ça veut dire que c'est la réforme qu'a vécu la psychanalyse, comme si dans cet espace autre que l'Occident, n'a pas vécu ces évolutions. C'est d'où la difficulté, ou peut-être la facilité, d'entreprendre une psychanalyse autre que celle que vivait l'Occident, par exemple, en 68. Est-ce que j'étais clair pour moi? Moi, là, il y a l'interpersonnel, c'est pas tout à fait pour moi la même chose que l'intersubjectif. Oui, je voulais dire l'intersubjectif, c'est ça. Ok. Vous essayez dans le fond de résumer, là. Oui, je le traduis comme interpersonnel. Ok. Oui. Mais est-ce que tu as une question? Non, je voulais te donner une clarification. Ah, d'accord. C'est-à-dire, vous êtes le maître, et pour quelqu'un qui comprend, ça veut dire à un certain niveau, comment j'ai pu comprendre tout ce que vous avez donné comme matériel jusqu'à présent? D'accord, Est-ce que cette clarification, elle était, c'est pertinent, oui, oui. Ben, ça reprend là, avec d'autres mots. Oui. Des fois, ça l'aide à comprendre. Est-ce que ça Mais vous c'est aide? comme trop tôt pour moi. C'est comme si j'attends pour pouvoir comprendre. Oui. Là, parce que il y Oui. a comme de la confusion. C'est pas grave. C'est normal. Alors, c'est donc pour adapter la psychanalyse à d'autres cultures que la culture occidentale que nous avons considéré que l'espace intersubjectif devait être un espace de travail en tant que tel. Et nous l'avons nommé espace anthropologique parce qu'il fonctionnait comme limite et qu'on n'avait pas de raison de nommer cet espace différemment. Différemment de l'espace qui est l'objet de la discipline anthropologique. Bon, ce que disait Mohamed tout à l'heure est intéressant parce que ça nous fait permet d'aborder le fait que il y a des groupes communautaires qui ont des systèmes symboliques, si vous voulez. Et le système symbolique et l'espace anthropologique sur lequel on peut travailler dans ces groupes communautaires. Les familles, les groupes familiaux ont aussi un espace anthropologique sur lequel on peut travailler. Ainsi de suite. Donc il y a des espaces anthropologiques qui sont des espaces communs à partir desquels les individus peuvent se dégager, mettons. Hein. Mais quand les individus se dégagent, ils sortent un petit peu de cet espace anthropologique. Un petit peu comme, je sais pas moi, comme vos enfants, quand ils arrivent à l'âge, à l'adolescence, ils essayent de sortir de la famille. Mais de quoi, au fond, ils essayent de sortir? Est-ce que c'est juste en prenant un appartement qu'ils sortent de la famille ou bien il faut qu'ils sortent autrement de la famille d'origine en sortant de l'espace anthropologique familial. Bon. Alors, ce cours sera constitué de 4 temps. On aura, bon, le premier temps sera anthropologique et psychanalytique, c'est-à-dire il sera pris en charge par moi-même. Et je vais déployer les concepts psychanalytiques sur l'arrière-plan historique. Je vais ensuite, il y aura un deuxième temps qui sera clinique. Alors nous allons analyser des cas cliniques à partir de la technique d'analyse que je vous aurai expliquée. On pourrait aussi éventuellement apporter des cas cliniques vous-même et on les analysera à partir de cette technique. Ensuite, il y a Christian Roy qui va vous faire le troisième volet, qui sera un volet historique. Il va nous nous parler de certains grands auteurs du XXe siècle qui ont marqué le XXe siècle, qui ont marqué, mettons, l'anthropologie du XXe siècle, la façon de penser qu'a le XXe siècle de se penser. Et enfin, le quatrième volet sera cinématographique, c'est-à-dire qu'on va voir quatre films. Je pense que Christian nous a dit quels étaient ces quatre films. Mais bon, je vous le dirai tout à l'heure. Et donc on va consacrer quatre séances, quatre demi-journées à visionner ces films-là et à en discuter après. Voilà, donc moi je serai responsable du volet psychanalytique et clinique et Christian sera responsable du volet historique et cinématographique. Bon, alors je vais vous parler maintenant de les divers cours que moi je vais donner. Dans un premier temps, je vais vous parler de la technique d'analyse de Lévi-Strauss, qui est au fond l'axe central de tout ça. C'est une technique d'analyse extrêmement surprenante. Moi, quand je l'ai découverte, waouh, j'étais vraiment épaté de la simplicité et de la facilité avec laquelle il réussissait à tirer d'un matériel complexe une orientation très nette et très claire. Donc je vais vous parler de ça ce matin même. Il va s'appuyer essentiellement sur un texte qui n'est pas très long, qui s'appelle « La structure des mythes ». Dont je vous recommande vivement la lecture. C'est dans quel livre de Lévi-Strauss? Il se trouve dans Anthropologie structurale 1. Ok, merci. Mais il se trouve aussi sur Internet. Ah, ok. Structure des mythes, Lévi-Strauss, vous trouverez ça facilement. Bon, on ne va pas... En fait... C'est assez amusant parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, cette technique d'analyse me paraissait fascinante et je ne comprenais pas d'où elle sortait au fond et comment ça se fait qu'elle était aussi pertinente et efficace. Et ce n'est que récemment que que j'ai pu lui faire quitter son aspect un peu météorite. Hein. J'avais l'impression que c'était comme quelque chose qui me tombait du ciel, puis je ne savais pas d'où ça venait. Puis j'ai réussi finalement à la dissoudre dans la philosophie, c'est-à-dire à percevoir cette technique sous un angle philosophique dont je vous parlerai aussi un peu plus tard peut-être. Donc, cette technique est la clé de voûte de tout le système que je vous propose. Il importe donc de bien la comprendre. Bon, on va comparer cette technique avec la technique de Freud, la technique d'analyse de Freud. Qu'il formule dans la science des rêves ou dans son livre de la technique psychanalytique, ou de la technique, je pense qu'il s'appelle. Alors, ces techniques d'analyse s'appliquent évidemment aux divers systèmes symboliques, au matériel clinique, au roman, au matériel cinématographique. Des récits mythiques, des récits de rêve, des récits de vie, des récits romancés, etc. Bon. Ensuite, je vous parlerai de totems et tabous. Totems et tabous est aussi un ouvrage sur lequel on a beaucoup travaillé. Il s'agit donc de cet ouvrage qui formule l'idée de la horde primitive. La plupart des psychanalystes ont compris ce mythe comme étant lointain, sans prise sur la réalité. Je vais aborder l'ouvrage de Freud d'une toute autre façon. Je vais vous montrer comment la horde primitive est au principe de la structure politique. Freud va conserver cette structure lorsqu'il écrira « Psychologie collective et analyse du moi ». La structure du repas totémique, qui est au centre de la horde primitive, et la structure des collectivités qu'il décrit dans « Psychologie collective et analyse du moi » sont identiques. Hein, ces deux structures tout à fait comparables. Il sera également question de l'animal totémique dans ce texte. Je vais profiter de la réflexion de Freud, de la mise en exergue qu'il fait de l'animal totémique pour détourner l'ouvrage de sa destination ultime. Je vais mettre en évidence l'animal totémique comme brique principale de la construction de la vie collective, même de la vie collective moderne. Nous verrons comment l'animal totémique est la première marche de l'échelle qui va de la nature à la culture. Nous prendrons ensuite cette première marche, puis nous montrerons l'échelle tout entière qui va du stade le plus primitif au stade le plus avancé de la civilisation. Il n'y a pas de différence qualitative dans cette progression du primitif au moderne. C'est du même tonneau et c'est la même marche qu'il faut gravir à chaque fois. Nous verrons comment l'animal totémique va progressivement devenir l'argent. Hein? L'argent et l'animal totémique ont la même structure anthropologique, mettons. Alors, ensuite, le troisième cours portera sur la structure du comportement religieux. Grâce à cette marche qui est la marche de l'escalier, mettons, qui est l'animal totémique, nous allons construire la structure générale du phénomène religieux. Nous verrons comment se construit le lien avec les divinités et en particulier la structure du monothéisme. Cette structure va nous permettre de comprendre comment fonctionne le comportement religieux et comment le comportement religieux a structuré la civilisation. Puis nous aborderons la façon dont le christianisme s'est démarqué de cette structure, comment le christianisme a décrit de façon assez étonnante le dépassement du phénomène religieux. C'est-à-dire, quand on travaille sur les religions, on s'aperçoit en fait que l'islam et le judaïsme ont une structure conceptuel, mettons, très comparable, alors que le christianisme se démarque de ces deux religions, de ces deux premiers monothéismes. Et nous verrons comment le christianisme se dégage de ces deux premières religions, enfin, pas vraiment premières, là, puisque l'islam suit le christianisme, mais... en tout cas. Ensuite, il y aura un quatrième cours sur les oppositions de signifiants. Là, on parle plus linguistique et logique. Là. Nous verrons comment la structure du comportement religieux se reflète dans la structure du psychisme. Et comment la christianisation du phénomène religieux va se traduire par une narcissisation des structures psychiques. Bon, on verra comment le christianisme est très relié au narcissisme. Et vous verrez ça, en tout cas, c'est pas... Nous travaillerons également sur la structure des oppositions de signifiants. Nous verrons comment les signifiants qui ont une structure obligatoirement tridimensionnelle sont eux aussi amenés à un état binaire et comment dans cet état binaire ils finissent par rupturer. Bon, mais ça c'est des détails. Ensuite, cinquième cours, le changement du mode de solidarité collective. C'est plus historique. Ce cinquième cours sera plus historique. Il sera question de l'effet de la christianisation sur les changements sociaux et politiques. Le passage de la prédominance de la différence dans les signifiants à la prédominance de l'égalisation va provoquer des modifications importantes dans la structure sociale et politique. La notion de différence, donc, qui est très adaptée quand il s'agit de systèmes symboliques, on parle essentiellement de différence, va progressivement devenir scandaleuse et répressive. La différence va être perçue rétrospectivement à partir du nouveau paradigme de l'égalité et paraîtra donc terriblement inégalitaire. Les structures sociales et politiques vont désormais exiger un niveau élevé d'uniformité. Donc les différences sont bannies, on parle d'uniformité, qui tente d'effacer jusqu'aux plus petites différences. La structure sociale va alors changer de forme. Au lieu d'être organisée selon le modèle communautaire, avec un état de type dynastique, l'organisation sociale se reconstitue selon le principe de la similarité, avec un état de type fraternel, où le principe divin et paternel est absent. L'État républicain, donc le deuxième type d'État, va presque partout se substituer à l'État monarchique ou impérial. Freud va saisir le processus dans Psychologie collective et analyse du moi. Cet impératif de l'uniformité, qui est caractéristique de l'État républicain, va s'imposer avec une telle virulence, une telle férocité, qu'il va provoquer des génocides multiples sur tout le déroulement du XXe siècle. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que la raison de ces génocides n'a jamais été comprise et que le changement fondamental de la structure des collectivités qui en est la cause, est passé totalement inaperçu en Occident. jusqu'à aujourd'hui, ce changement est demeuré inaperçu. Même ceux qui veulent bien convenir de son existence n'en saisissent pas du tout l'importance. Il y a un énorme changement dans la structure de la solidarité collective, dans l'État impérial, dans les structures communautaires. Les liens sont des liens différentiels, alors que dans l'État républicain nationaliste, le lien est un lien égalitaire de similarité. Et ces deux types de liens sont très différents, sauf qu'on ne s'en rend pas, on s'en rend pas compte parce qu'on vit dans le système égalitaire et qu'on perçoit l'ancien système rétrospectivement. Hein? C'est en ce point que se situe le grand refoulement de l'Occident. Au lieu de vivre au milieu d'une infinité de petites et grandes différences, l'Occident a décidé de les serrer, c'est-à-dire de les mettre en série. Alors bon, peut-être ça vaut la peine que je ne pas. Peut-être on va prendre dans un petit quart d'heure une pause café. Hein, ce sera le bienvenu, je pense. Supposons qu'on est dans un système différentiel où on a des différences A sur B, A prime sur B prime. Et que ces différences sont dispersées au hasard A seconde, B seconde. Ça, c'est le système, si vous voulez, symbolique, qui fonctionne comme ça, avec des différences oppositionnelles qui sont distribuées un petit peu au hasard, qui peuvent faire groupe. On peut avoir des ensembles comme ceci, qu'on appelle à ce moment des systèmes symboliques. Hein? Quand le XXe siècle arrive, si vous voulez, et que les grands changements structurels interviennent, qu'est-ce qui se passe au niveau de la pensée, mettons? On a une sériation, ça veut dire que on va mettre tous les A ensemble et tous les B ensemble. Et on va appeler ça le grand A et on va appeler ça grand B. Ça, c'est avec le 20e siècle? Oui, c'est le... Et à ce moment, on va tout de suite remarquer que la différence A sur B est scandaleuse, devient tout à coup grotesque, et c'est là qu'il faut tronquer A de B et les maintenir infiniment séparés. Donc on aura ici A et ici B très loin, mais il n'y a plus de lien entre eux, en principe. Cette formule est la formule des refoulements. Pour ceux qui ont lu Foucault, l'histoire de la folie à l'âge classique, ils y reconnaîtront le grand enfermement qui, à partir de 1625, a séparé la société de ses déviants. Puis à l'intérieur de ces déviants, ceux qui relèvent du soin, ceux qui relèvent de la charité et ceux qui relèvent de la punition. Vous voyez, donc il y a eu un système de sériation. Rappelez-vous le geste de Pinel, qui était un paralytique. Je ne sais pas si vous avez vu ce spectacle fameux là de... C'est une peinture, mais je ne me rappelle plus qui l'a fait, de Pinel, qui va dans les hôpitaux généraux. À l'époque, l'hôpital général, c'est l'hôpital où on met tout le monde qui est déviant, au fond. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle général. Tout le monde va là. Alors, Pinel, qui était un paralytique, est sur le dos de quelqu'un qui le porte, et il rentre dans les hôpitaux généraux pour aller sélectionner les fous pour les mettre dans un espace séparé des autres déviants, mettons. Et les rassembler dans les asiles. Ça, c'est une sorte d'essayation. Oui, c'est ça. 1792, Pinel. Il en a été de même au XXe siècle. Les Turcs ont été séparés des Arméniens. Ils ont passé au fil de l'épée. Les Allemands ont été séparés des Juifs. Puis maintenant, les Juifs ont été séparés des non-Juifs. Les Chrétiens des musulmans, les Tutsis des Hutus, etc. Donc il y a une tendance comme ça, spontanée, naturelle, à faire des sélections de ce type-là. Mm-hmm. Et maintenant, il a fallu inventer une nouvelle querelle au sein des musulmans, entre sunnites et chiites, et ainsi de suite. Et on va, quand il n'y aura que les sunnites tout seuls, on va sûrement trouver un moyen de les séparer en sunnites à petit a et en sunnites petit b. Ça n'a pas d'importance au fond, l'essentiel est de séparer. Je pense que c'est une dynamique énergétique, mais on en reparlera. Il en a été de même de l'homme qui est séparé de la femme. Le mariage est devenu presque honteux. Le père est séparé du fils. L'obéissance au père ne se pratique qu'en très grande discrétion, à l'insu du père lui-même. Le maître est séparé de l'élève. L'enseignement et la pédagogie deviennent aussi des actes intimes que l'on pratique avec des appareils interactifs. Donc il ne faut plus le lien maître-élève, là, il devient scandaleux. Ces ruptures ont des conséquences incalculables et souvent incroyablement dévastatrices. Le plus étonnant est qu'elles ont lieu d'une façon totalement inconsciente. Il y a pourtant là un effet domino qui devrait attirer l'attention. Malheureusement, c'est un processus qui a lieu à la racine de la conscience occidentale. Ces ruptures sont pour cette conscience normale, naturelle, et il ne lui viendrait jamais à l'esprit que les choses puissent être différentes. Ce processus de sélection et de rupture a tout aussi bien lieu sur un plan clinique, tant au niveau psychique que somatique. Les cécités ou les insensibilités hystériques que Freud a rencontrées au début de sa carrière appartiennent à cette catégorie. De même que les douleurs chroniques ainsi que, dans certains cas, les inflammations tissulaires. Nous aborderons cette dimension dans le cadre de nos séances cliniques. Et enfin, dernier cours, On va parler de l'Édipe. Parce que l'Édipe associe le mythe d'Édipe, du début à sa fin, a le mérite de formaliser les étapes dont on vient de parler, avec une première partie qui est de type paternel, une deuxième partie qui est de type fraternel, et une troisième partie qui est de type narcissique. Donc, nous verrons, ce sera le dernier cours. Voilà. Et là, c'est l'heure du café. Merci. Alors, il y a du café. Je vais vous expliquer comment fonctionne la machine à café. D'accord.